Autour du monde, ouais, c'est de la bombe. Aussi, je leur dédie ces quelques mots. Matteo, Théo et Timothée, t'as noté les mots de Matteo autour du thé. Avec Maël, ça manque pas de sel. Comme Nicolas, Pimprenelle. Sauf que Pimprenelle, c'est Christelle. Maël, Christelle, c'est pas si sûr. Alors, tous en vélo, tous en selle. Et en pédale pour sûr, c'est dur.